Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une histoire et une énigme, la tuerie de Chevaline. Le 5 septembre 2012, une fusillade fait 4 morts et un blessé grave sur un parking forestier de Haute-Savoie. Sur place, les gendarmes découvrent un véritable carnage. Et en l'espace de quelques heures, le village de Chevaline, à proximité duquel a eu lieu la tuerie, s'invite en une de l'actualité. L'opinion publique est sous le choc. Et les mois dépassent vite les frontières de l'Hexagone lorsqu'on apprend qu'une famille de vacanciers britanniques ferait partie des victimes. Pour les gendarmes de la section de recherche de Chambéry, l'enquête commence. Elle s'annonce longue, difficile. De leur côté, les médias se font l'écho de toutes les théories. Tout cela, bien sûr, va compliquer le travail des enquêteurs. Aujourd'hui, 5 ans après les faits, personne ne connaît l'identité du ou des auteurs de la tuerie de Chevaline. Personne ne sait non plus pour quelle raison on a assassiné avec une telle barbarie 4 personnes et blessé une 5e en bordure de forêt par un après-midi d'été. Après le récit, pour revenir avec nous sur les zones d'ombre de ce dossier, il y en a beaucoup, nous recevrons Jean-Marc Bloch, ancien commissaire de la police judiciaire. Il a suivi cette affaire au jour le jour et il en a livré son analyse dans le cadre d'un documentaire de la série Non élucidée diffusée sur France 2. J'en profite pour vous signaler que Jean-Marc Bloch est également l'auteur d'un livre Des deux côtés du miroir, itinéraire d'un flic pas comme les autres, paru aux éditions Le Cherche Midi en 2015. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et David Jacubovièze. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 5 septembre 2012, lac d'Annecy, département de Haute-Savoie. Nous sommes ici au pied des montagnes, à 120 km à l'est de la ville de Lyon et à une quinzaine de minutes seulement de la frontière avec la Suisse. En cette fin d'été, la météo est douce. En bordure du lac, les hôtels et les campings affichent complet. De nombreux touristes français ou étrangers profitent de leurs derniers jours de vacances pour aller se baigner ou randonner. En début d'après-midi, William Braith Martin, un retraité britannique de 53 ans, part se promener à vélo en direction de Chevaline, une petite commune située à quelques kilomètres de sa résidence secondaire. Une fois sur place, il s'engage sur la route forestière de la Combe d'Ire, un itinéraire bien connu des randonneurs. William Braith Martin roule à allure modérée. Autour de lui, tout est calme, l'air est chaud, le vent est frais, il n'y a aucun bruit. Lorsque soudain, un autre cycliste sortit de nulle part, le double. Le retraité britannique a juste le temps d'apercevoir un dossard noir et le cadre d'un vélo de course que l'homme, rapide comme l'éclair, est déjà loin. Les minutes passent, notre cycliste poursuit sa route. À mesure qu'il avance, celle-ci devient de plus en plus sinueuse. Elle est même cabossée par endroits. De chaque côté, la forêt remplace désormais les champs de verdure. Loin derrière lui, il entend cette fois le bruit d'une voiture, et celle-ci arrive à son niveau, elle ralentit, puis elle le double. Il s'agit d'un véhicule BMW Break de couleur bordeaux. Petite particularité, elle est immatriculée en Grande-Bretagne. Et à son bord, le cycliste distingue plusieurs adultes. Quelques centaines de mètres plus loin, au détour d'un virage, la voiture disparaît. William Braith Martin se retrouve de nouveau seul sur la route pendant une dizaine de minutes. L'homme sait qu'il approche du petit parking du Martinet, là où précisément il a prévu de faire une pause. Alors, le cycliste poursuit son effort, il enchaîne quelques virages, puis il aperçoit, au loin, derrière les arbres, là sur sa gauche, le parking. Mais à peine a-t-il mis le pied à terre qu'il fait face à une scène d'horreur. Quand je me suis approché, la première chose que j'ai vue, c'était le vélo sur le côté et le corps d'un cycliste que j'avais croisé un peu plus tôt. Donc j'ai pensé qu'il faisait juste une sieste. Mais une fois plus près, une petite fille était elle aussi étendue sur la route. Au début, j'ai cru qu'elle était en train de jouer. À cette distance, je croyais qu'elle avait fait semblant de tomber en arrière, comme font les enfants. Mais quand je me suis rapproché d'elle, j'ai compris qu'elle était gravement blessée. Et il y avait beaucoup de sang sur elle. Quand je me suis encore avancé, j'ai vu la voiture, son moteur hurler et ses roues patiner. Pour moi, c'était évident qu'il venait d'y avoir là un accident terrible. « Le premier réflexe du retraité anglais est de placer la petite fille en position latérale de sécurité. Puis il court vers le cycliste qui gît au sol. Il le traîne sur quelques mètres. Ensuite, il marche en direction de la voiture. Il s'agit de la BM Break Bordeaux, celle-là même qu'il avait doublée plus tôt dans la montée. La partie arrière du véhicule est enfoncée dans le talus, le moteur hurle. Les roues arrière tournent dans le vide. William Brett Martin s'approche alors du côté conducteur et là, il constate que la vitre a été perforée par des impacts de balles. Sans hésiter, il la brise. Sur le siège conducteur, il découvre alors le corps d'un homme ensanglanté. Il l'écarte et plonge le bras à l'intérieur pour couper le contact. Le moteur s'arrête et autour de lui, le calme revient. Le retraité britannique fait quelques pas en arrière et il observe la scène médusée. Puis il comprend, bien sûr, que ce n'est pas un accident de voiture, c'était une fusillade. Il est 16h lorsque les gendarmes et les secours arrivent, toutes sirènes hurlantes sur le lieu du drame. Sur place, la scène qui s'offre à eux est macabre. En haut de la route forestière de la Combe d'Ire, sur le petit parking du Martinet, ils découvrent dans le véhicule BMW Break accidenté le corps d'un homme et de deux femmes. Tous les trois sont morts. À première vue, ils ont reçu une ou plusieurs balles dans la tête. À quelques mètres de là, il y a aussi deux autres victimes. Les secouristes les prennent en charge. La première, c'est un cycliste d'une quarantaine d'années qui semble avoir été écrasé au niveau de l'abdomen. Lui aussi a reçu une balle en pleine tête et il est mort. À côté de lui se trouve une fillette de moins de 10 ans. Elle est inconsciente. Elle a reçu une balle au niveau de l'épaule et des coups violents au niveau de la tête. Le médecin du SAMU tente de la réanimer. L'état de l'enfant est jugé dans un état critique. Alors on l'évacue en urgence vers l'hôpital de Grenoble. Comme le veut la procédure, en cas de crime de sang et d'homicide multiple, les gendarmes gèlent immédiatement la scène du crime. Seuls désormais les membres de l'unité d'identification criminelle peuvent s'approcher du parking. Sur les lieux, ils prennent des photos, dessinent des schémas, relèvent d'éventuels indices. Ils notent la présence de tout élément suspect. Le premier constat qu'ils font témoigne d'abord de la violence de la fusillade. Le sol est jonché de douilles, il y en a au moins une vingtaine. De son côté, William Brett Martin fait le récit de son après-midi aux gendarmes et il leur raconte tout, le cycliste, la voiture, sa découverte du parking. Il est sous le choc. Non loin de là, sur les routes alentours, les gendarmes installent des barrages filtrants et un hélicoptère patrouille à la recherche de tout véhicule ou individu suspect. Dans les bois, à proximité du parking, on lance une chasse à l'homme pour retrouver la trace du ou des responsables de cette tuerie. En fin d'après-midi, le procureur de la République d'Annecy, Éric Maillot, dresse face à la presse un premier bilan humain. Il est très lourd. Au total, 4 personnes ont été tuées par balle et une petite fille de 6 ans lutte encore pour survivre. De son côté, le lieutenant-colonel Benoît Winman, en charge de l'enquête, explique au micro de France Inter qu'il ne privilégie pour l'instant aucune piste. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, elles sont multiples. Il est clair que les environnements des victimes aura un rôle très très important pour les orientations de l'enquête, de même que si des témoins avaient entendu, avaient vu quelque chose, il serait tout à fait utile que ces personnes se manifestent. À Chevaline et dans ses environs, la population est sous le choc. Tout le monde parmi les riverains connaît le parking du Martinet, là où a eu lieu la fusillade. Interrogé par la presse, le maire de la commune, Didier Berthollet, fait part de son émotion. Cette affaire me bouleverse. Vous savez, nous habitons un village de 150 habitants et de 300 vaches. Il ne se passe jamais rien ici d'extraordinaire. Donc, toute cette histoire paraît complètement surréaliste. Je connais bien la route forestière de la Combe d'Ire. C'est un endroit très fréquenté par les randonneurs. Il y a toujours du passage entre les gens qui montent et ceux qui descendent. Je ne vois pas qui a pu faire ça. En tout cas, je peux vous assurer que ce ne sont pas des braconniers qui ont fait le coup. On n'en croise pas par chez nous. Alors que la nuit tombe sur le lac d'Annecy et ses environs, les gendarmes s'activent autour du parking du Martinet. Sur place, on installe de grands projecteurs et on tire de grandes bâches blanches pour dissuader les photographes et les curieux. Les techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale viennent d'arriver. Ils vont être les premiers à inspecter le véhicule accidenté et les trois corps qui s'y trouvent. Leur objectif est simple, trouver toute trace biologique ou d'ADN qui permettrait d'identifier ou de relier un éventuel suspect. En parallèle, ils doivent aussi déterminer le scénario balistique et la chronologie de cette fusillade. Et les médias s'emparent de l'affaire. En l'espace d'un après-midi, celle qu'on appelle désormais le tuerie de Chevaline s'invite à la une de l'actualité. Sur les plateaux des chaînes d'information en continu, des experts en criminologie et d'anciens policiers avancent toutes sortes d'hypothèses. On parle d'un possible règlement de compte, on avance l'idée d'un éventuel trafic de drogue ou trafic d'armes qui aurait mal tourné, ou bien encore, on évoque un possible crime crapuleux sans autre précision. Pour le moment, la seule information qui a filtré porte sur la nationalité des victimes. Sur les 4 personnes tuées, 3 seraient anglaises et elles appartiendraient à la même famille. En milieu de soirée, alors que les experts s'activent toujours autour de la voiture, un homme se présente spontanément à la gendarmerie de Saint-Joriot, une petite commune située non loin de là, en bordure du lac d'Annecy. L'individu est un ressortissant britannique. Il est inquiet. Il a entendu aux informations les nouvelles sur la fusillade. Il a aussi entendu qu'une famille aurait été prise pour cible. Or, justement, ses voisins de camping ne sont pas rentrés ce soir. Qui plus est, leur véhicule, une BMW Break, correspond à celui dont parle la télé. Les gendarmes font immédiatement le rapprochement. Alors ils se rendent au camping. Ils interrogent le gérant. Celui-ci leur explique qu'un homme d'une 50aine d'années lui loue l'emplacement depuis quelques jours, qu'il est accompagné de sa femme, d'une autre adulte, plus âgée, et de 2 petites filles. « 2 petites filles, êtes-vous bien sûr ?» lui demandent les gendarmes stupéfaits. Le gérant confirme oui, il y avait bien 2 enfants en bas âge avec eux. Chez le lieutenant-colonel Benoît Wiedemann et ses hommes, l'inquiétude grandit, car sur la scène du crime, ils n'ont retrouvé qu'une seule enfant, celle qui était grièvement blessée qu'on a transportée à l'hôpital. Alors, où est l'autre ? Pour le savoir, les gendarmes passent de nouveau, peignent fin à la forêt autour du parking. Mais au bout d'une heure, ils doivent se rendre à l'évidence, l'enfant ne se trouve pas là. Où peut-il se cacher ? À minuit, on décide d'ouvrir le coffre du véhicule. Il n'y a plus rien. Puis les gendarmes ouvrent la porte arrière droite de la voiture et là, sous la jupe du cadavre d'une femme d'une 50aine d'années, ils découvrent une fillette de 4 ans recroquevillée. Elle est saine et sauve. Oui, mais totalement choquée, évidemment. Elle demande à voir sa mère. Elle ne semble pas réaliser ce qui vient de se passer. Joint par France Inter, le pédopsychiatre Thierry Bobet explique l'état probable dans lequel se trouve la fillette. Ce type de réaction, qu'on appelle la sidération, l'enfant suspend son activité de pensée, son activité motrice pendant plusieurs heures. C'est comme s'il se mettait dans une position off. Il arrête de penser, il arrête de bouger. C'est comme s'il n'était plus là. Après des événements traumatiques extrêmes, comme ça, l'enfant est souvent dans une attitude de déni. Donc il faut, sans arrêt dans l'interaction avec l'enfant, repartir de là où il en est lui, de ce qu'il pense lui, de ce qu'il sait lui, et des questions qui se posent à ce moment-là. Le lendemain matin, jeudi 6 septembre, la région d'Annecy se réveille en deuil. Sur la route forestière de la Condire, un impressionnant dispositif de gendarmerie est toujours à pied d'œuvre. À son bureau de la section de recherche, le lieutenant-colonel Benoît Wiedemann reçoit les premiers éléments de l'identification criminelle sur les 5 victimes de la fusillade, dont 4, rappelons-le, sont mortes. Tout d'abord, le cycliste retrouvé sans vie quelques mètres devant la voiture est un homme d'origine de la région. Grâce à son téléphone portable, les gendarmes ont pu déterminer qu'il s'appelait Sylvain Mollier. Il avait 45 ans et il était père de 3 enfants. Ensuite, concernant le corps des 3 corps découverts, celui d'un homme et de 2 femmes dans la voiture immatriculée en Grande-Bretagne, les autorités britanniques confirment que le véhicule appartient à un homme de 53 ans d'origine irakienne et qui répond au nom de Saad al-Hili. Les photos transmises par les Anglais correspondent au visage du cadavre. tout comme celle des deux autres femmes tuées. Il s'agirait de sa femme et de sa belle-mère. Quant aux deux petites filles, dont l'une a été retrouvée blessée à terre et l'autre cachée dans la voiture, il s'agit bien des enfants du couple. L'aînée s'appelle Zainab, elle a 7 ans. La plus jeune se prénomme Zena, elle a 4 ans. Pour les gendarmes, il y a donc deux groupes de victimes. D'un côté le cycliste français et de l'autre les membres de la famille anglaise. Or, et c'est là un point qui intrigue les enquêteurs, il n'existe a priori pas de lien entre eux. Autrement dit, qui du vélo de la voiture était visé par les tirs? Impossible pour les enquêteurs de se prononcer pour l'instant. De son côté, le procureur Rick Maillot évoque lors d'une conférence de presse, je le cite, « un massacre d'une sauvagerie inouïe réalisé par un ou plusieurs individus déterminés ». Sur la scène du crime, en effet, 21 coups de feu ont été tirés, 17 ont atteint les corps des 5 victimes. Et chacune d'entre elles, à l'exception des deux fillettes, semble avoir été exécutée d'une ou plusieurs balles dans la tête. Le procureur, impuissant pour l'instant, affirme qu'il faut laisser à la justice le temps de faire son travail et que l'enquête ne doit pas céder à la précipitation. Il faut revérifier les timings, hein, essayer de refaire le temps qu'a pu mettre le cycliste, la remontée, combien de temps ça prend, etc. etc. repositionner. Tel témoin dit « j'ai vu un véhicule à tel endroit, est-ce possible, pas possible ?» Vous avez des tas de témoins qui vont vous dire « il était 15h30 ». Sauf que quand ils vont vérifier, on va s'apercevoir qu'ils ont fait le plein d'essence avant, il était impossible qu'il soit à 15h30 à l'endroit indiqué. Donc c'est pour ça qu'on recueille autant de témoignages et qu'on essaye jour après jour d'entendre et de réentendre pour croiser et faire en sorte à un moment donné d'être extrêmement précis et d'avoir un timing extrêmement précis. Dans les jours qui suivent, les gendarmes se concentrent sur la piste d'un différend familial. En effet, d'après les informations fournies par la police anglaise, le conducteur de la BMW, Saad Al-Lili, était en conflit ouvert avec son frère, Zaïd, pour une histoire de succession. En jeu, l'héritage de leur père, un homme d'affaires irakien très riche, dont on évalue la fortune à plusieurs millions d'euros. Pour tenter d'en savoir plus, deux enquêteurs français se rendent au domicile de la famille Al-Hilli, à Claygate, dans la banlieue sud de Londres. Ils accompagnent la police anglaise lors de la perquisition. Puis, ils assistent à l'enquête de voisinage. De ce côté, Zaïd Al-Hilli, le frère du défunt, se présente spontanément aux policiers et il clame son innocence. D'ailleurs, il possède un solide alibi. Et il affirme qu'il n'était même pas au courant que Saad et sa famille partaient en vacances dans le sud de la France. Sur la question du différend familial, oui, il avoue avoir eu des conversations houleuses avec son frère, mais il bat en brèche les rumeurs qui prétendent qu'ils en seraient déjà venus aux mains. Après 48 heures d'interrogatoire, l'homme ressort libre du commissariat. Présent sur place à Londres, le colonel Marc de Tarlet se félicite de la bonne coopération avec les enquêteurs britanniques. Là, actuellement, la coopération se passe pour le mieux. La police britannique mettant en œuvre un maximum de moyens, tant sur le plan humain que sur le plan technique. Et notre arrivée a été facilitée par les services de l'ambassade de France. C'est une enquête qui s'avère longue et complexe. Outre-Manche, l'affaire de la tuerie de Chevaline devient l'obsession des tabloïds britanniques. Jour après jour, ils diffusent des photos de la scène du crime. Ils évoquent aussi dans leurs colonnes les plus folles hypothèses. L'une d'entre elles serait que le meurtre pourrait être en lien avec de l'argent détourné à l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein. Une théorie battue en brèche plus tard par les enquêteurs. Le 14 septembre, 9 jours après la fusillade, l'aînée des deux fillettes, Zainab, 7 ans, celle-là même qui avait reçu une balle à l'épaule, sort du coma. Les gendarmes l'interrogent à l'hôpital de Grenoble. À cause du traumatisme, l'enfant ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Toutefois, elle livre une information essentielle aux enquêteurs. Selon elle, il y avait ce jour-là qu'un seul méchant, donc un seul tireur. Le tireur, justement, c'est sur son profil que se concentrent les efforts des gendarmes. Et le rapport balistique des experts a de quoi les surprendre. D'après les analyses, l'arme utilisée était un Luger Parabellum, un pistolet de collection fabriqué dans les années 30 et 40 pour l'armée suisse. Petite particularité, et non des moindres d'ailleurs, le chargeur de cette arme ne dispose que de 7 balles. Autrement dit, le tireur a dû recharger au moins 2 fois lors de la fusillade. De plus, le Parabellum a beau être une arme redoutable à faible distance, elle reste néanmoins très fragile et elle s'enraye facilement. Alors, pourquoi le tueur a-t-il fait le choix d'utiliser cette arme-là? Les enquêteurs restent perplexes. D'autant plus perplexes que la plus petite des deux fillettes, Zéna, celle que les gendarmes ont retrouvée prostrée sous la joue du cadavre de sa mère, affirme que le matin de la tuerie, ses parents pensaient les emmener, elle et sa sœur, dans un parc d'attractions. Mais au dernier moment, ils ont changé d'avis et opté pour une balade en montagne. Autrement dit, si le tueur en voulait à la famille Al-Hilli, il n'a pas pu préméditer son acte sur le parking du Martinet. Soit il a suivi le véhicule de la famille depuis leur camping, soit il ne les visait pas directement. À tout cela s'ajoutent deux témoignages intrigants. D'après deux agents de l'Office national des forêts, et surtout d'après le cycliste William Brait Martin, l'homme qui a découvert le massacre, un 4x4 de couleur sombre et une moto auraient traversé le parking du Martinet quelques minutes après le crime. Alors, s'agit-il du véhicule du coupable ou au contraire, est-ce celui d'un témoin? Malgré les zones d'ombre, les enquêteurs de la section de recherche de Chambéry poursuivent leurs recherches. Quant au procureur Éric Meillot, il entend découvrir la vérité sur toute cette affaire et il le dit aux journalistes. Je crois que j'ai essayé d'être aussi disponible que possible pour répondre à vos questions. Je crois aussi qu'on est un petit peu arrivé à la limite de ce qui peut vous être dit, de ce qui peut être légitimement connu du grand public. Pour moi, l'important, c'est de pouvoir dire dans quelques années aux deux petites filles, grâce à une enquête bien menée, grâce à une excellente collaboration franco-britannique, nous avons trouvé le ou les personnes qui sont à l'origine de la mort de vos parents et ils ont été condamnés. Deux semaines après la tuerie, alors que la pression médiatique autour de l'affaire commence à retomber, de nombreuses questions restent en suspens. Qui de la famille Al-Hilli ou du cycliste Sylvain Mollier était visé par le tueur? Et surtout, quelles étaient ses motivations pour réaliser avec sang-froid et détermination un tel assassinat? Enfin, pourrait-il s'agir d'un tueur fou? Personne ne le sait. D'autant qu'à mesure que les gendarmes continuent leurs investigations, le mystère autour de la tuerie de Chevaline s'épaissit et les réponses, elles, s'échappent. That's not me. I go where I please. I walk through walls. I float down the leafy. I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. In a little while, I'll be gone. The moment's already passed. Yeah, it's gone, and I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. Intersoir. Alain Passerelle. A-t-on trouvé l'auteur ou peut-être le commanditaire de la tuerie de Chevaline en décembre dernier, tuerie près d'Annecy qui avait fait 4 victimes, dont Sahad Halili, un Britannique d'origine irakienne. Un homme a été arrêté ce matin, son propre frère Zaïd, interpellé dans le Surrey, au sud-ouest de Londres. Il avait déjà été entendu par la police britannique. Lundi 24 juin 2013, l'affaire de la tuerie de Chevaline revient à la une de l'actualité. 9 mois après le massacre, la piste d'un différend familial reprend des couleurs. Et avec elle cette question, Zaïd Halili a-t-il fait tuer son frère Saad ainsi qu'une partie de sa belle-famille pour récupérer l'héritage du père? Une fortune que la police britannique, rappelons-le, estime à plusieurs millions d'euros et qui est disséminée sur des comptes en Suisse, dans des appartements en Espagne, ainsi que dans d'autres biens immobiliers en Grande-Bretagne. Face aux policiers anglais, Zaïd dément toute implication dans le meurtre de son frère. Malgré 36 heures d'interrogatoire, il nie et rejette chaque accusation. Les policiers doivent se rendre à l'évidence, il manque d'éléments. Alors, on relâche Zaïd Halili sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Dans son bureau du tribunal d'Annecy, le procureur Éric Meillot reste prudent. Il connaît en effet le profil de Zaïd. L'homme d'une cinquantaine d'années est comptable dans un club de golf de la banlieue de Londres. C'est un type, disons, discret, voire timide. D'après l'entourage de la famille, il n'a pas le profil à engager des tueurs à gages, et encore moins à monter une opération internationale pour commanditer ou commettre 4 meurtres en France. Non, non, ça ne tient pas. Pourtant, de l'autre côté, le procureur sait que la situation entre les deux frères était très tendue. Il sait aussi, grâce à la perquisition de la police anglaise, que Saad, le père de famille retrouvé mort, avait fait changer les serrures de son domicile, qu'il avait aussi installé un système de vidéosurveillance, et enfin, qu'il avait acheté un pistolet taser. Pour le lieutenant-colonel Winman, il ne fait aucun doute que Saad Halili vivait dans la peur de son frère. Vous partez en vacances avec tout votre matériel informatique, vos audios, des copies de disques durs, plusieurs ordinateurs, tout dans une caravane qui est familiale, que vous avez des appels qui sont liés aux problèmes de succession alors même qu'il est en vacances avec sa famille, on peut penser qu'il y a une certaine forme d'obsession. Jusqu'ici très discret face à la presse, Zaïd Halili contre-attaque. Alors que de nombreux journalistes le désignent comme le coupable, l'homme accepte de témoigner en direct à la télé anglaise. Pour lui, la vérité sur la tuerie ne se trouve pas de ce côté-ci de la Manche, non, affirme-t-il, elle se trouve du côté français. Et il n'hésite pas non plus à remettre en cause l'enquête menée par les gendarmes. S'ils n'ont pas réussi à comprendre ce qui s'est passé, je ne crois pas qu'ils puissent trouver qui a fait ça. Nous ne sommes pas optimistes. Nous avons besoin de certitudes. Je veux dire, je ne sais pas s'ils font ou non quelque chose dans ce sens. Les policiers français prétendent qu'ils avancent dans leur enquête et qu'ils tiennent une piste. Mais le fait est que notre niveau de confiance reste très bas. Alors, si la vérité ne se trouve pas du côté du frère du défunt, pourrait-elle se trouver du côté du cycliste, retrouvé mort à côté de la voiture des Halili sur le parking du Martinet? C'est bien ce que vont insinuer les tabloïds anglais à plusieurs reprises. Cet homme, Sylvain Mollier, avait 45 ans. Il était originaire de Savoie, il était père de 3 enfants. L'enquête de voisinage révèle que c'était un grand sportif, souvent à vélo, quelqu'un de conciliant et toujours prêt à rendre service, bref, un homme sans histoire. Seulement voilà, Sylvain Mollier travaillait dans une usine qui fabrique du combustible nucléaire. Et très vite, certains journalistes anglais vont avancer la thèse d'un possible meurtre sur fond d'espionnage industriel. Bon, sur le papier, l'hypothèse est séduisante, mais dans les faits, le procureur de la République d'Annecy, Éric Meillot, la balaie sans l'ombre d'un doute. D'une part, affirme-t-il, Sylvain Mollier était un simple chaudronnier, il n'avait donc accès à aucune information dite « sensible ». D'autre part, cela faisait plusieurs mois qu'il était en congé paternité et ne collaborait plus avec l'usine. La piste du cycliste comme victime directe de la fusillade, conclut le procureur, ne tient donc pas à 99,9%. Éric Meillot en est convaincu, le cycliste français s'est mal guidé, il s'est trompé de route, voilà, il est arrivé sur le parking du Martinet par erreur. L'homme était donc, comme on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mois de septembre 2013, un an jour pour jour après la tuerie, les enquêteurs français et britanniques annoncent pourtant qu'ils travaillent sur une nouvelle piste, celle d'un possible espionnage industriel. Mais là, rien à voir avec le cycliste Sylvain Mollier, non. Les recherches se concentrent sur le père de famille, Saad Al-Hilli. Ce dernier était en effet ingénieur dans le domaine de l'aérospatial et il travaillait dans une entreprise spécialisée dans les satellites civils. Or, les gendarmes ont retrouvé chez lui plusieurs téraoctets de données sur des projets de développement confidentiels. Des informations qu'il n'était pas censé avoir en sa possession. Saad Al-Hilli s'est-il donc retrouvé piégé dans une affaire de vente de données ? Interrogé par la presse, ses anciens collègues en doutent, tout comme ses anciens amis, pour qui, je les cite, Saad était un homme bien trop simple pour tremper dans des combines de vol ou d'espionnage. Ensuite, le dossier Chevaline disparaît de nouveau de l'actualité, avant de faire un retour spectaculaire le 18 février 2014. Ce jour-là, les gendarmes annoncent avoir arrêté un suspect. Il s'agit d'un homme de type caucasien de 48 ans. Particularité de taille, son visage ressemble trait pour trait à ceux du fameux motard que William Brate Martin, le cycliste qui avait découvert la scène du crime, affirme avoir croisé sur sa route peu avant d'arriver sur le parking du Martinet. Autre élément trouble, au domicile de cet individu, les gendarmes retrouvent des armes de la Seconde Guerre mondiale, du même type que celle de l'arme du crime. L'homme, un ancien policier municipal, prétend être un simple collectionneur. Malgré les précautions d'usage, son nom fuite dans la presse et certains journalistes vont même jusqu'à écrire de lui qu'il a le profil idéal du coupable. Or, dès le lendemain, le procureur annonce que la piste s'effondre. L'ADN de l'homme ne correspond pas à ceux retrouvés sur le parking du Martinet. Il est donc relâché et disculpé. Mais pour lui, le mal est fait, comme il l'expliquera quelques jours plus tard au téléphone sur France Inter. Ça a plus que changé ma vie, elle l'a détruite. J'ai plus de travail, j'étais employé de sécurité en Suisse et j'étais licencié le jour même. Ma famille qui était mise à la une de tous les journaux, ma femme était très déprimée. On a dû fermer les volets, elle a dû vivre pour qu'on puisse prendre des photos de l'intérieur de ma maison. Enfin, ouais, elle est très affectée. Et mon petit garçon aussi, qui a 13 ans, qui a beaucoup souffert de ça aussi. Je ne peux être qu'une victime. Ma vie a été laminée, broyée. Je dois retrouver un emploi, je dois finir à payer mes factures, Voilà. Et j'ai rien demandé à personne. Après la désillusion autour de l'arrestation, puis la relaxe de l'ancien policier municipal, l'affaire Chevaline disparaît de nouveau des écrans radars pendant plus d'un an. Ce n'est que le 6 mars 2015 qu'intervient un nouveau sursaut. Ce jour-là, on apprend que les gendarmes ont cette fois formellement identifié le fameux motard aperçu à proximité de la zone du crime. L'homme, un chef d'entreprise de la région lyonnaise, était en repérage dans la zone pour la pratique du parapente. Le procureur affirme d'ailleurs que cet individu honorablement connu est au-dessus de tout soupçon. Une de moins, la piste du motard s'évanouit à son tour. Dernier rebondissement en date, le 25 mai 2015. Cette fois, les tabloïds anglais de Daily Mirror prétend que les gendarmes sont sur la piste d'un nouveau suspect. L'homme, un ancien légionnaire, connaissait le cycliste qu'on a retrouvé assassiné à côté de la voiture. Il avait été interrogé au tout début de l'enquête d'ailleurs, puis relâché. Mais depuis, l'homme s'est suicidé. Et dans la lettre qu'il a laissée à ses proches, il évoque l'affaire de Chevaline et affirme qu'elle l'a beaucoup perturbé. Serait-ce donc là la clé du mystère, écrivent les journalistes anglais. Non, répond le procureur d'Annecy. Pour lui, la presse britannique brouille les pistes. Depuis le début d'ailleurs, elle a perturbé l'enquête au risque de la complexifier. Et elle se lance désormais dans les théories les plus folles. Aujourd'hui, 5 ans après les faits, il n'existe qu'une seule certitude. Aucune piste n'a abouti. Les gendarmes de la section de recherche de Chambéry enquêtent toujours sur l'affaire. Le dossier d'instruction représente 70 tomes. Il est toujours sur la table du procureur d'Annecy. Quant à la piste du différend familial, malgré l'absence de preuves à charge, elle reste toujours envisagée, tout comme celle d'un tueur fou. Voilà le cas typique d'une affaire non résolue, ce qui par nature n'est pas forcément définitif. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'énigme de la tuerie de Chevaline avec notre invité Jean-Marc Bloch, ancien commissaire de police qui a suivi cette affaire au jour le jour et qui en a livré son analyse dans le cadre d'un documentaire de la série Non élucidée diffusée sur France 2. Il est par ailleurs l'auteur d'un livre des deux côtés du miroir, Itinéraire d'un flic, pas comme les autres, paru aux éditions Le Cherche Midi en 2015. Je parle de lui à troisième personne du singulier parce que il nous attend au téléphone à Conakry en Guinée. Nous avons du mal pour l'instant à le joindre. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors on va faire comme d'habitude quand ce genre de choses arrive et que nous sommes en direct à la radio. On va écouter un disque en espérant que pendant ces trois minutes, notre invité va nous donner un signe. Un Grizzly Bear sur France Inter, Gunshire. Frozen in the tracks. Merci à Grizzly Beer qui nous a permis de patienter en attendant d'avoir Jean-Marc Bloch au téléphone. Vous m'entendez, Monsieur Bloch? Bonjour. Mais je vous entends très bien. Bonjour, Monsieur Drouel. Bon, alors on n'a plus beaucoup de temps, hein, mais on va faire avec ce qu'on a. À cause d'un caprice de ligne téléphonique, bien, ça arrive. C'est pas étonnant. Bon, je vous rappelle que vous êtes ancien commissaire de police. Vous avez vraiment suivi cette affaire de près. D'ailleurs, pourquoi l'avez-vous suivi d'aussi près? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette affaire-là? Bah, si vous voulez, on a suivi cette affaire pour l'émission d'un élucidé, parce que c'est une affaire extrêmement complexe. C'est une affaire difficile dès le départ. On ne sait pas qui est la victime ciblée par le tueur. Dès le départ, il y a deux groupes de victimes. Quelqu'un qui est toujours vivant, d'ailleurs, c'est le cycliste anglais. Donc, il y a trois groupes de victimes possibles, en fait. Hein, il y a la famille d'Alili, il y a Sylvain Mollier, et puis pourquoi pas Brett Martin, puisqu'il est aussi sur place. C'est lui qui est arrivé le dernier, mais au départ, on le prend plutôt pour un éventuel suspect. Mais en fait, pourquoi est-ce que lui aussi, c'est pas lui qui aurait été visé, on ne sait pas. Parce que quand il y a effectivement un crime comme ça qui paraît souvent mystérieux au départ, il y a plusieurs pistes, et puis dans 90% des cas, la justice et la police arrivent à trouver. Là, on y arrive. Dans la plupart des cas, on part de la victime, on sait qui est la victime ciblée par le tueur, et en partant, on enquête sur la victime, en travaillant sur son passé, on trouve un peu, on remonte dans sa vie, on trouve qu'elle a ses ennemis, qu'elle a ses amours, ses haines, etc. Et on arrive à trouver des suspects possibles. Là, c'est difficile parce qu'il faut d'abord déterminer qui est la victime. Et ça, c'est pas facile du tout. En plus, on y est allé sur ce parking à Chevaline, qui est un endroit. Alors, évidemment, en été, il y a du monde. Nous sommes allés en hiver, il n'y avait personne. Mais il n'y a quand même pas un passage fou. Hein. On ne peut pas dire que ce soit les Champs-Élysées, loin de là. Donc, ça manque de témoins. Alors, et on comprend à quel point c'était compliqué. D'ailleurs, personne ne jette la pierre aux enquêteurs. Hein. Mais enfin, pas du tout. Comment on le ressent quand on est un policier c'est un échec. On ressent ça comme un échec quand c'est non élucidé comme ça. Alors, bien sûr que quand on n'aboutit pas, on ressent les choses comme un échec. Évidemment que c'est difficile. D'autant que là, la gendarmerie a fourni un travail considérable, a trouvé plusieurs pistes qui se sont effondrées les unes après les autres. Et c'est ça qui est très difficile dans une enquête, c'est qu'à chaque fois qu'on croit tenir un suspect, enfin qu'on a un bon profil, l'enthousiasme est total, et puis au bout de 48 heures, 24 ou 48 heures, à terme de la garde à vue, quand tout s'écroule, c'est difficile parce qu'il faut rebondir, il faut repartir vers de nouvelles pistes. Enfin, c'est un métier difficile où les tendances si quelque part. Alors, est-ce qu'il y a eu des pollutions ou des interférences de la part de la presse, notamment, bien que parfois, grâce à la presse, on arrive à trouver... Attends, je finis ma question. Parfois, grâce à la presse, on arrive à trouver des pistes, hein, mais elle peut aussi polluer l'affaire. Et la presse britannique, notamment, elle joue un rôle qui n'est pas objectif, qui est totalement orienté. Si oui, c'est toujours... D'abord, c'est difficile de travailler avec... C'est pas les mêmes législations. Hein, on n'a pas du tout les mêmes modes de travail en disant « et nous ». Et puis c'est évident que pour eux, il faut que ça soit une affaire française. Le coupable n'est pas à chercher en Angleterre. Ils préféreraient bien évidemment que le coupable soit du côté, de l'autre côté de la Manche, de notre côté. Bon, la presse, on y est habitué maintenant. Hein, la presse intervient, il y a de plus en plus de médias de toutes sortes, et la presse intervient de plus en plus dans les affaires judiciaires. Il faut qu'on s'y habitue, il faut qu'on travaille avec. Là, évidemment... La complexité pour les enquêteurs et pour tout le monde, c'est que c'est une enquête qui s'étale sur deux pays, la France. Enfin, qui peut s'étaler sur deux pays, la France et l'Angleterre. Donc les Anglais disent non, c'est pas la famille Abili qui était victime, c'est Sylvain Mollier. Comme ça, ils se débarrassent quelque part de l'affaire. Alors, je reviens sur l'affaire et sur quelques détails. Le choix de l'arme, par exemple, pistolet de collection des années 30, ça dit quelque chose, ça, en termes d'indices? Alors là, ça dit rien du tout, parce que j'ai l'impression que la ligne fait encore des siennes. Voilà, les enquêteurs ont vu les pistes s'effacer. Ben donc voilà, la communication s'effacer, mais elle revient. Bon, ça y est. Oui, elle revient. Mais c'est ce que je disais. On en était au choix de l'arme, un pistolet de collection des années 30. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Oui, parce qu'il y a des pistes. On a parlé de tueurs professionnels, la famille Rémy aurait été suivie depuis la Grande-Bretagne, etc., etc., etc. L'arme qui est utilisée, c'est une arme, ce qu'on appelle une arme de tiroir, une arme de collection, c'est un Luger 7 mm. Enfin, ça s'enraye une fois sur deux, ce genre d'arme, ça a une petite capacité de chargement, il a fallu trois chargeurs, recharger à trois fois l'arme pour tirer 21 coups de feu, c'est vraiment pas une arme de tueur, enfin de tueur professionnel, ça n'existe pas, hein. Mais de de quelqu'un qui veut commettre un règlement de compte. Ça, c'est pas l'arme adaptée du tout. Il y a quelque chose de très curieux à ce niveau-là, et que c'est une arme on n'est pas sûr d'arriver à ses fins avec une arme pareille. Hein. Mais le choix du lieu est étrange aussi, un site découvert et fréquenté, surtout au mois d'août. Alors, fréquenté au mois d'août, effectivement, c'est pas l'endroit idéal, d'autant que les itinéraires de fuite sont pas tellement nombreux. Il y a la montagne d'un côté, et puis il y a une route unique qui mène à ce parking, une espèce de cul-de-sac, hein, une sorte de cul-de-sac, ce parking. C'est pas l'endroit idéal, ça c'est évident. Tout ça pose beaucoup d'interrogations, oui, bien sûr. Ben, c'est une affaire, vous savez, les enquêteurs, à chaque fois ils l'appelaient oui, mais, yes, but. Oui, mais, oui, ça peut être ça, mais il y a un obstacle. Bon, c'est pas ça. Alors, allons-y sur les pistes. La piste irakienne, celle qui est revenue le plus souvent dans le récit, qu'en pensez-vous? Alors, la piste irakienne, à mon avis, elle est extrêmement alambiquée. Ça serait des tueurs d'habitude, ce serait des voyous professionnels qui auraient été engagés, et je l'arme, ça colle pas du tout. En plus, il y a un gros problème, c'est que cette famille, elle a décidé au dernier moment d'aller sur ce parking, d'aller à cet endroit-là. Au départ, le matin, ils pensaient aller ailleurs. Et avant de monter sur le parking, il y a un détail qui n'est pas apparu dans notre récit, c'est qu'ils s'arrêtent pour prendre une photo dans un village. Avant de monter sur le parking, la voiture s'arrête et la famille se prend en photo. Et il y a deux ouvriers qui travaillent sur un chantier, sur une façade d'immeuble, qui voient la famille se prendre en photo et qui voient la BMW repartir vers le parking du Martinet. Et ils continuent à regarder et personne ne suit cette voiture. Cette voiture n'est pas suivie. Donc c'est pas, y a pas tout un système de filature qui, etc. Non, c'est pas ça. Bon, la piste du frère maintenant, la piste du frère, suspecté. C'est pareil. Oui. Le frère ne savait pas que son frère et sa famille allaient dans cette région de France. Il aurait fallu qu'il fasse suivre toute sa famille depuis l'Angleterre jusqu'au bord du lac d'Annecy. C'est un truc extraordinairement compliqué à faire. Il aurait fallu plusieurs voitures, etc. C'est difficile de faire une filature. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Il faut quand même des moyens importants. Or, personne à aucun moment n'a décelé aucune filature derrière cette famille. Et dans ce camping, qui est un camping plutôt familial, ça serait remarqué si cette famille était surveillée, s'il y avait des gens qui la surveillaient. Il n'y a rien du tout de ce type-là. Absolument rien. Donc, c'est pas ça non plus. Alors, de deux choses. Oui. De deux choses l'une, Jean-Marc Bloch. Ou alors, c'est vraiment un crime très professionnel et la multiplication des pistes est là pour brouiller l'ensemble, on n'y croit pas trop. Ou alors, si c'est pas ça, c'est un crime de rôdeur, c'est un fou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut être si c'est pas ça? Toutes les hypothèses sont possibles, un fou, un rôdeur, vous savez. Alors les hypothèses en matière de police judiciaire, ça ne veut pas dire grand-chose, on s'en tient aux faits, aux constatations. Là, il n'y a pas grand-chose, les enquêteurs ont gratté, comme on dit, tout ce qu'il y avait à gratter, je crois. Pour l'instant, c'est un peu au point mort. Alors dans les affaires, il y a de temps en temps un élément qui fait surface, des rapprochements. Alors ils ont fait à une époque des rapprochements avec une affaire, avec David Dalligan, il avait été tué sur un parking près de Nancy, parking à côté d'une frontière, avec une arme d'origine suisse aussi. Donc il y a eu des rapprochements de faits, mais ça colle pas du tout. Bon, il se peut que, je sais pas moi, dans quelques mois ou un an, il y ait un fait un peu similaire quelque part, et que ça fasse bingo, que ça soit bon. Et puis il y a de l'ADN. Alors l'ADN, ça peut toujours, c'est ça la grande force de nos enquêtes actuellement, en fait, nos méthodes actuelles. Bien sûr. C'est que ADN, ça ne vieillit pas, et ça peut toujours ressurgir un jour ou l'autre d'une manière tout à fait inattendue. Alors, je reviens sur l'enquête des gendarmes, à propos de laquelle l'opinion s'est montrée très critique. J'y reviens parce qu'on va écouter l'archive ensemble. Notamment sur le fait, par exemple, qu'il leur aura fallu plus de 8 heures pour retrouver la seconde petite fille, celle qui était cachée dans le véhicule. Bon, attendez, on va d'abord écouter une archive, on parle après. Je vous propose d'écouter la réponse du directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, François Daoust. Et il affirme que ces hommes ont agi dans l'intérêt de l'enquête, évidemment. Je peux comprendre l'émotion et le ressenti de personnes en se disant « Mon Dieu, il y a une petite fille qui a attendu très longtemps ». Et c'est vrai, et je suis un papa avec deux petits-enfants, mais si on va immédiatement travailler sur le véhicule, à l'intérieur du véhicule, sans se préoccuper de ce qu'il y a autour, est-ce qu'on ne va pas effacer des traces de pas intéressantes? Est-ce qu'on ne va pas effacer des traces de pneumatiques, etc., etc. Et quand nous sommes arrivés, eh bien, le travail des techniciens locaux était en phase de finalisation, et nous sommes arrivés et pour l'intervention proprement dite dans le domaine de la balistique sur le véhicule. Tous les indices qui ont été prélevés en amont ont pu l'être parce que n'a pas été sacrifié le facteur temps ni travaillé de façon brouillonne pour vite se concentrer sur le véhicule. Ça vous paraît convaincant comme argumentation, comme réponse ? Vous savez, rien n'est jamais convaincant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans certaines affaires, on critique la police ou la gendarmerie parce qu'elle fait les choses trop rapidement. On l'a dit pour une affaire qui est toujours d'actualité, c'est l'affaire de Grégory. On dit les constatations ont été faites trop rapidement, trop hâtivement, il n'y a pas assez de constatations. Et puis là, on dit ça a été trop lent. Alors on est, c'est vrai, ou trop rapide, ou trop lent, c'est selon. Bon, là, c'est vrai que... Mais comment pouvait-il prévoir qu'il y avait, pour deviner, qu'il y avait une enfant vivante cachée sur... Enfin, pas cachée, mais camouflée par les jambes de sa grand-mère. C'est impossible à deviner. Bon, bien sûr, mais vous savez, la gendarmerie, donc des militaires, il y a des protocoles, et ben, ils obéissent aux protocoles, à la fois leur force, on le sait, c'est aussi parfois, ça peut aboutir à ça. Mais ça, c'est toujours difficile, c'est toujours très facile, plutôt après coup, de formuler des critiques, et moi je me garderais bien de le faire. Les constatations, c'est quelque chose de difficile, et c'est vrai que quand j'étais tout jeune policier, on m'a appris que ça allait prendre son temps, tout son temps, que quand les gens ont mis face à des cadavres, il n'y a rien qui prête, il faut prendre son temps, il faut surtout faire attention à ne rien polluer. Bon, c'est ce qu'ils vont faire. Bien, ce sera le mot de la fin, Jean-Marc Bloch. Je vous avais dit, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Merci quand même d'avoir répondu à nos questions. Puis alors, je m'aperçois que la ligne devient bonne au moment où on arrête la conversation. Bah, c'est comme ça. Ça s'appelle le direct en radio. Au moins, ça le mérite de la sincérité. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la tuerie de Chevaline, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles, évidemment. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.